Mesdames, Messieurs, le disc jockey Zach est de retour. Après le succès imprévu du titre It's My Life, il dit merci à tous les autres disc jockeys pour leur coopération fantastique. Un merci particulier à NBG, à Future Breeze et à Jean-Paul. Alors, à votre demande répétée encore une fois. Encore une fois.